Désolé, je les monte en l'air. Là, c'est Dieu qui fait un casse. Je suis à deux doigts de foutre la merde. Si je veux ton M6, je les fasse. Ouais, je rôdais dans la rue. On m'a dit que j'étais quelqu'un de bien. Tu restes le même dans les clips. Tu mets pas trop la maillot de bain. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, tout va mal. Alors, j'écris ma life sur l'iPhone. Sur une ville à Nike. Savent plus comment faire de la maille. Ils se mettent au rap. Font des clips. Se prennent pour des caïds. Se mettent à croire à leur rôle. Prendre des sous, des gros calibres. Tant mieux si ça marche, frère. M'en faut pas que je m'égare. Quand le monde m'écœure et que je crois que j'ai joué toutes mes cartes. Quand j'ai mal. Quand je suis seul dans les problèmes. Quand je sais que ça m'en veut, mais que quand même je me promène. Envie de faire un mélange pour dans ma tête faire le ménage. J'suis dans ma paranoïa, tous les mois je déménage. J'fais travailler les ménages quand on me fait des éloges. J'connais du monde si je veux, j'regarde tous les matchs dans les loges. Mais j'aime pas me montrer, j'regarde au sud à la zone. Vive l'OM quand ils mettent un but, ils mettent les frissons. Ouais, j'suis fait pour faire des tubes qui font des thunes. N'oublie pas, jamais se la péter, jamais montrer sa fortune. On va te niquer ta gramme si tu parles trop mal de la bouche. N'oublie pas, Marseille c'est petit, on pourra se croiser dans les bouchons. Tu l'as jamais personne. J'en ai vu des choses horribles. Tu l'as jamais personne. N'informe pas sur ma story. Tu l'as jamais personne. Je dis ce que je vis, ce que je vois. Tu l'as jamais personne. Je galérais, pas eu le choix. Tu l'as jamais personne. On veut le monde comme Tony. On veut le monde comme Tony. On veut le monde comme Tony. On veut le monde comme Tony. J'ai mon potion, j'ai ma potion. J'ai mis la caution, j'fais attention. La location, j'ai mes notions. J'fais des gros sons, c'est le poison, hein. C'est le poison. Au début, je me disais, je veux le monde comme Montana. Je commençais comme le Savartano avec mes couilles et mon talent. Filou du putana. Je fais le mac, après tu me dis, je reviens tout à l'heure. Je vais t'étaler, tu vas t'étaler comme un voleur. Une pensée au dollar derrière les barreaux cet hiver. Et les petits qui rentrent en voiture volée sans gants, sans mi-père. Les jeunes au foyer, sans argent, sans maman, sans père. Je sais pas ce qu'ils doivent sentir, j'imagine leur cœur en pierre. J'ai rempli le dame, je vis le vélodrome. J'ai vécu des drames, duré mon train de vie. On m'a planté dans le dos, et oui, madame. Deux bras, deux jambes, je continue dans le rap avec deux gemmes. Suffit de barres de jaune, et crois pas que je me gêne. Faut pas faire confiance, faut parler en face, faut pas voir la frousse de dire ce qui tracasse. Mais va pas un peu loin, ou ta tête je la casse. Vais te faire des bosses, préfère rester piste. Le cerveau dans mon bis, des poules restent casse. J'ai pris de la vitesse, ça fait 5 ans que je suis dans la course. Et voilà, je suis sur une roue, l'ovni posé sur la fourche. Je serai tout seul sur l'affiche. Tu l'as jamais personne. Moi j'en ai vu des choses horribles. Tu l'as jamais personne. N'informe pas sur ma story. Tu l'as jamais personne. Je dis ce que je vis, ce que je vois. Tu l'as jamais personne. Je galérais, pas eu le choix. Tu l'as jamais personne. Oh,